La Corse, nouveau pays, nouveau visa. Le paysage est cathédrale sur une île perdue, surpris. Et la ligne 80% de Corse à Marseille, 20% sur le continent. Pas le temps de bouger sur l'île. Nouveau régime, nouvelle situation, nouveau jeu, nouvelle donne, nouveau pays. Surnommé G de la mafia, j'opère pour opérer. Je lâche le lingot d'or sur parachute doré. Carte d'or pour ninja, j'avance. 5% de caféine dans le café, c'est honnête, nénette. Le plein d'essence est fait, je marche au super. Cuve nouvelle pour monture BMW équipée à rouler à 300 kg/h. Miles, la flotte est compatible. Je circule sur horizon, attention aux raisons, ils crevent les pneus. Je suis écorché mûr, j'ai pas pu décoller sur le collage. J'avole ma garantie, mes études, je suis niveau ingénieur à l'heure. Le plus haut n'est pas forcément le mieux. Pauvre de lui, pas le temps de reculer. Ils ont eu la calculette limitée, Casio pour faire péter le casino. Depuis plus rien, la manche pour traverser est longue. Aucun ferry à l'horizon, ça construit des bateaux au bon port. La montagne fait des neiges. En 2048, nouveau décor, merci Météo France. Les stations sont ignique et fic. Argent sur argent pour augmenter le Capitole. Avec du pétrole brut sur l'île, on refait le décor pour planter un nouveau ordre dans l'ordre. Nouveau pilote, pas plus tôt que Geronimo fait une sauce avec une saucisse bien cuite. Leur patrimoine mondial. Les bouddhistes t'inquiètent, à tout temps change de saison pour une nouvelle saison. L'ancienne charcuterie de Corse se restaure pour le restaurant Corse. Pour le reste, Wallou le loup sur Pompidou. Aucun Corse va hors de Corse, faut aller à Corse. Je suis écorché mûr, j'ai pas pu décoller sur le collage. J'avole ma garantie, mes études, je suis niveau ingénieur à l'heure. Le plus haut n'est pas forcément le mieux. Usine faite de cochons, espèce corse en Russie. Ouest pour l'import et incorpore. Sur place, place au travail, pas que les trois petits cochons. Fond sur l'écran de fond. Les péages ont des pédalos et tout accessoire exotique dans les tropiques. Horrible et la situation sur un rivage, je nage ailleurs et c'est nulle part ailleurs. L'île est dotée du tourisme Angleterre et France, avec le pont qui relie les rives au total immersion pétrolière. Le trafic est intense et dense, le fric se dépense à naissance quand il fait beau en juin, en août. Pour se rejoindre ces débats, gauche droite sur le rig ouverte, la découverte qui être comme paramètre, je reste tu et suis vêtu, bien vu. Elisabeth a vécu et devenu un monument, alors des plus un ombre perçu sur surplus, il roule pas plus avec de l'or, mais des comptes en banque remplis de livres pour des cinéastes. Tout ça va et revient, ça va, on a fait ça, l'heure est dissous. L'Angleterre pour une bonne nouvelle, deux îles au choix sur Pacifique se font moins qu'autres pour se rajouter. Plus de 3 millions d'habitants, j'entends bien, 200 000 commerces sont bien présents à ce moment présent. Je suis écorché mûr, j'ai pas pu décoller sur le collage. J'avole ma garantie, mes études, je suis niveau ingénieur à l'heure, le plus haut n'est pas forcément le mieux. Feu d'artifice, je tire deux coups de suite comme trio. La Bretagne, mer enchantée, chante sur le pluie. De port enchanté, c'est paragraphé, la fée est fait comme féfé, mais que des idées. Petite usine de bateaux pour EDF, j'entreprends et je prends des outils super. Et le flux des multiplexés à duplex, c'est Rex le chien, j'ai du chien cette chienne.